Yeah. Huh. Huh. Yeah. Huh. Huh. Yeah. Tout le monde dit. Tout le monde dit. Que je tourne en rond, je trouve le temps vraiment trop long. Je bois des bulles de moum, c'est de bon ton. J'entends des blasés de tout, soudain complètement fou. Elle, sa voix je l'appelle, mon dieu ce qu'elle est belle. Canon, une pompe, la vraie dynamite. Les pas chantent de lui dans mon orbite. Elle me dit, moi c'est clair. Comme l'éclair, viens, prends ma main. Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard. Sans gare, sans phare, sans part ni désespoir. Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle, tu m'ensorcelles, baby. Surtout la croche de ton porte-jartelle. Dans mes yeux, lui, observe, c'est l'allure de mon envie. Regarde bien au fond du verre à mon lit. Oh, mais tu flânes, toi, ou quoi? Salut. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Cool, baby, cool, baby. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Que je tourne en rond, ce que je dis est de plus en plus bidon. La fille partie, je change de zone. Toujours les... La piste est pleine, j'y vois une belette qui danse. Aucune importance, je la suis sur cette musique sauvage. Message prêt à l'abordage, effet disco star sous les éclairages. Elle me dit, moi c'est Julie. C'est joli, viens, prends ma main. Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard. Sans gare, sans phare, sans part ni désespoir. Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle, tu m'ensorcelles, baby. Surtout la croche de ton port, j'artèle. Dans mes yeux, lui, observe, c'est la lueur de mon envie. Regarde bien au fond, tu verras mon lit. T'en fais trop, mec, j'en ai marre, salut. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Cool, baby, cool, baby. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Que je tourne plus rond, je me sens bizarre. Le jour se lève, mes yeux sont hagards. Seul, avec mes idées noires. À ce que l'amour est dérisoire. C'est fin de soirée, au petit matin, j'adore sentir l'odeur des pains au chocolat. C'est fin de soirée, où l'air de rien, j'ai le sourire au bas du coin. C'est déjà ça. Attention, danger, je me sers un café. Mes doigts se mettent à trembler, je suis explosé. Puis sans crier gare, j'enlève ma tête sur le comptoir. Un reflet d'or dans le miroir, j'entrevois l'espoir. Une super blonde décolorée, son regard bleu me fait flipper. Mais je suis mortellement vidé, je veux me coucher. Salut, moi c'est Lise, tu viens? Ok, ok, je m'enlise. Viens, prends ma main. Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard. Sans gare, sans phare, sans part ni désespoir. Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle, tu m'ensorcelles, baby. Surtout la croche de ton port, j'artèle. Dans mes yeux, lui, observe, c'est la lueur de mon envie. Regarde bien au fond, tu verras mon lit. Remarque, à plus y réfléchir. On est des romantiques, des coureurs sous plastique. Des menteurs qui respirent. L'été en soi, l'hiver en pire. Le chaud, le froid, délire. La fille s'est envolée sur un air de pas trop y toucher. Le genre de tarte a oublié le plan sévère, sévère. Mon calme a dératé, je deviens cinglé. Ce soir je récidive, je perds sévère, sévère. Salut mon bichon, tu danses? Tout le monde dit. Le monde dit oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey. Prends ma main, je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard. Sans gare, sans phare, sans part ni désespoir. Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle, tu m'ensorcelles, baby. Surtout la croche de ton port, j'artèle. Dans mes yeux, lui, observe, c'est l'allure de mon envie. Regarde bien au fond, tu verras mon lit. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Cool, baby, cool, baby. Facile, ça roule.